Chapitre 17e et dernier, en paix. 2 années se sont écoulées depuis la soirée de mai où Robert a retrouvé son ami, et le joli cottage rêvé par M. Audley est devenu une réalité. Ce cottage s'élève entre Teddington Locks et Hampton Bridge, au milieu d'une forêt de verdure, et sa façade regarde la rivière. Un petit garçon âgé de 8 ans se roule parmi les lys et les herbes de la rive en pente et joue avec un baby qui se penche sur les bras de sa nourrice pour regarder d'un œil étonné son image qui se reflète dans les eaux tranquilles. M. Audley commence à être connu et s'est distingué dans la grande affaire de Hobbs contre Hobbs. Il a soulevé les éclats de rire de la cour par son compte-rendu délicieusement comique de la correspondance amoureuse de Hobbs. Le beau garçon aux yeux noirs est le fils de George Talboys, qui décline Moussa à Eton et pêche à la ligne dans l'eau claire qui coule sous les frais ombrages derrière les murs tapissés de lierre de son collège. Mais il vient très souvent au joli cottage voir son père, qui demeure en compagnie de sa sœur et de son beau-frère, et il est très heureux auprès de son oncle Robert, de sa tante Clara et du joli baby qui commence à peine à se traîner sur la pelouse. Cette pelouse descend en pente douce jusqu'au bord de l'eau où se trouvent un petit chalet suisse et un débarcadère où George et Robert amarrent leur léger canot. Il vit encore d'autres personnes au cottage près de Teddington. On y voit aussi une brillante jeune fille au cœur gai et un vieux gentleman à barbe grise qui a survécu au malheur de sa vie et l'a surmonté en véritable chrétien. Il y a plus d'un an qu'une lettre, bordée de noir et écrite sur papier étranger, est arrivée à M. Robert Audley pour lui annoncer la mort d'une certaine Mrs. Taylor. Cette dame avait expiré paisiblement à Villebrumeuse après une longue maladie que M. Ball appelait une maladie de langueur. Un autre visiteur apparaît au cottage pendant l'été de 1861. C'est un jeune homme franc et bon qui caresse le baby, joue avec George et s'entend surtout à faire manœuvrer les bateaux qui sont toujours en mouvement quand Sir Harry Towers est à Teddington. Il y a un joli petit fumoir rustique dans le chalet suisse. Pendant les soirées d'été, les hommes vont y fumer. Et c'est là que Clara et Alicia viennent les chercher pour les mener prendre du thé et manger des fraises et de la crème sur la pelouse. Le château d'Audley est fermé, et c'est une vieille concierge qui est toute puissante dans la maison où retentissait autrefois le rire musical de Milady. Un voile recouvre le portrait pré-raphaélite, et une épaisse couche de poussière dérobe à la vue les vauvormans, les poussins, les quips et les tintorets. On montre souvent la maison à des visiteurs curieux, quoique le baronnet n'en sache rien. Et ses visiteurs admirent le boudoir de Lady Audley et font des questions à n'en plus finir sur la jolie femme à la belle chevelure qui est morte à l'étranger. Sir Michael n'a aucune envie de revenir à l'ancienne demeure, où il a fait jadis un rêve de bonheur impossible. Il reste à Londres, jusqu'à ce qu'Alicia devienne Lady Towers. Et alors il ira habiter une maison qu'il a récemment achetée dans le Hertfordshire, tout près des domaines de son gendre. George Talboys est très heureux auprès de sa sœur et de son ami. Il est jeune encore, et il n'y aurait rien d'impossible à ce qu'il trouvât quelque jour une autre femme qui le consolerait du passé. Cette sombre histoire s'oublie un peu chaque jour. Et un temps viendra où le voile de deuil jeté sur la vie du jeune homme par sa méchante femme aura complètement disparu. Les pipes et les romans français ont été donnés à un jeune homme du temple qui avait été l'ami de Robert pendant sa vie de garçon. Et Mrs. Maloney reçoit une petite pension, payable par trimestre, pour avoir soin des canaries et des géraniums. J'espère que personne ne trouvera mauvais que mon roman finisse en laissant tout le monde heureux et en paix. Si mon expérience de la vie ne date pas de longtemps, elle a du moins touché à bien des choses. Et je suis de l'avis de ce grand roi philosophe qui disait que jamais, dans sa jeunesse, ni dans son âge mûr, il n'avait vu le juste abandonné et ses enfants mendiant leur pain. Ainsi s'achève Le secret de Lady Audley de Marie-Elisabeth Braddon.